En Corée, à l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, la direction d'édition des timbres d'État a fait paraître deux nouveaux timbres en vignette. Un timbre ayant à l'arrière-plan le mont Baekdu représente le portrait du général Kim Jong-il au large sourire qui contemple la patrie de 3000 riz en tenue de veste ou athée de campagne, et l'autre ayant sur sa partie supérieure les mots « Le grand dirigeant Kim Jong-il sera toujours avec nous » représente le général se trouvant avec les ouvriers et les cadres.